Salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Donc, ce qui va se passer maintenant. Tout à l'heure, on parlait de la loi anti-casseurs, donc qui visait à encore renforcer la répression policière, notamment par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Et donc, c'est d'autant plus grave que la répression depuis le début des Gilets jaunes a été déjà hyper forte, et elle a été forte au point que l'ONU et le Parlement européen tape sur les doigts du gouvernement français. Donc je vais vous lire un petit article qui parle de ça. C'est un article qui vient du site Antica, donc qui est un truc du NPA. Voilà. Alors, l'ONU et le Parlement européen dénoncent la répression des Gilets jaunes. Trois rapporteurs des Nations Unies s'inquiètent de la répression policière et judiciaire dont fait l'objet le mouvement des Gilets jaunes. Ils appellent la France à repenser ses politiques en matière de maintien de l'ordre. C'est quand même assez violent comme rappel à l'ordre. Les eurodéputés, de leur côté, ont adopté une résolution condamnant notamment l'usage des LBD. Alors que les critiques contre la répression du mouvement des Gilets jaunes par les autorités françaises se font de plus en plus vives, le Parlement européen et les Nations Unies ont, chacun de leur côté, dénoncé les restrictions à la liberté de manifester et l'usage excessif de la force. Depuis le début du mouvement de la contestation en novembre 2018, nous avons reçu des allégations graves d'usage excessif de la force, expliquent les trois experts onusiens. Seong Phil Hong, rapporteur du groupe de travail sur la loi sur la détention arbitraire, Michel Frost, rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, et Clément Nialetsosivoul, rapporteur spécial pour les droits de réunion et d'association. Plus de 1700 personnes auraient été blessées à la suite des manifestations dans tout le pays, poursuivent-ils. Les rapporteurs ont relevé de nombreuses blessures graves causées par un usage disproportionné d'armes dites non létales, telles que les grenades et les lanceurs de balles de défense ou flashball. Des secours emportant un manifestant blessé à Paris le 1er décembre 2018. Alors non, ça c'est une légende mal placée dans l'article, qui ne décrit donc rien. donc je passe à la suite. Ces restrictions au droit de manifester ont également pris la forme d'un nombre élevé d'interpellations et de gardes à vue, de fouilles et de confiscations de matériel de manifestants. Garantir l'ordre public et la sécurité dans le cadre des mesures de gestion de foule ou d'encadrement des manifestations implique la nécessité de respecter et de protéger les manifestants qui se rendent pacifiquement à une manifestation pour s'exprimer, rappelle le communiqué. Les experts onusiens se disent conscients du fait que certaines manifestations sont devenues violentes et ont entraîné des débordements, mais ils craignent que la réponse disproportionnée à ces excès puisse dissuader la population de continuer à exercer ses libertés fondamentales. Mais c'est dingue, ils ont compris complètement l'objectif de la répression policière en fait. Il est très inquiétant de constater qu'après des semaines de manifestations, les restrictions et tactiques de gestion des rassemblements et du recours à la force ne se sont pas améliorées. Enfin, les représentants des Nations Unies prennent position contre la loi dite anti-casseurs en cours d'adoption par le Parlement. Ce texte vise prétendument à prévenir les violences lors de manifestations et à sanctionner les auteurs, mais certaines dispositions ne seraient, selon eux, pas conformes avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la France est partie. Pointe le communiqué. Ainsi, la proposition d'interdiction administrative de manifester, l'établissement de mesures de contrôle supplémentaires et l'imposition de lourdes sanctions constituent de sévères restrictions à la liberté de manifester. Ces dispositions pourraient être appliquées de manière arbitraire et conduire à des dérives extrêmement graves, s'inquiètent les trois représentants de l'ONU. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de dérives extrêmement graves pour l'instant. En conclusion, ils encouragent la France à repenser ses politiques en matière de maintien de l'ordre et les autorités françaises à ouvrir des voies de dialogue afin d'atténuer le niveau de tension et de reconnaître le rôle important et légitime que les mouvements sociaux jouent dans la gouvernance. De son côté, le Parlement européen a adopté jeudi à une très large majorité de 438 voix pour et 78 contre une résolution sur le droit à manifester pacifiquement et l'usage proportionné de la force. Ce texte ne vise pas de manière explicite la France, mais comme le rapporte Le Monde, c'est bien la répression du mouvement des Gilets jaunes qui était au centre des débats préalables au vote. Donc voilà. Donc le gouvernement est bien en train de se faire taper sur les doigts, quoi. Et de fait, le texte est composé de 17 dispositions dont une bonne partie répond directement au débat français sur la manière dont les autorités réagissent aux manifestations. Ainsi, le Parlement européen condamne le recours à certains types d'armes à létalité réduite par les forces de l'ordre contre des manifestants pacifiques, comme les projectiles à impact cinétique. Donc en fait, ça désigne les LBD, quoi. Et ou les grenades lacrymogènes instantanées. Alors, grenade lacrymogène instantanée, je suis pas sûr de voir la différence entre une... Les quoi ? Ok, donc c'est les Gli F4, on me dit. Attention. Attention. Intervention. Les grenades lacrymogènes instantanées, du coup, c'est nous ce qu'on appelle les grenades assourdissantes. Et du coup, de la lacrymo, de la TNT. Et du coup, un effet lacrymo qui, voilà, qui fait de la lacrymo, quoi. Et un effet de blast. Qui, selon la distance à laquelle t'es, peut t'éclater les tympans, faire un effet dans le corps paralysant, et faire un effet quand t'es un peu plus loin et que tu ressens pas les effets dans ton corps, ça fait un effet assez dissuasif, et c'est notamment les grenades qui ont arraché des mains sur les manifs, ou sur la ZAD, ou le type de grenade, c'était pas exactement la même, mais la grenade OF1 qui a tué Rémi Fraisse, c'était aussi une grenade qui contenait de la TNT et qui avait un effet de souffle, un effet de blast. Eh bien, merci pour ces précisions. Du coup, donc tout ça là, le LBD et les grenades lacrymogènes, ça c'est condamné par... l'UE condamne le recours à ces trucs-là. Sauf que, bon, ils disent quand même contre des manifestants pacifiques. Donc, bon... On sait déjà que la défense des forces de l'ordre français, ça va être « Oui, mais c'est pas des manifestants pacifiques. » Concernant le maintien de l'ordre, le Parlement demande aux États membres de recourir à des pratiques alternatives qui ont déjà fait leurs preuves, notamment celles qui permettent d'éviter tout contact physique avec les manifestants. Toujours en écho aux critiques formulées par les autorités, il demande instamment, aux États membres de ne pas avoir un recours excessif à la force et à des détentions arbitraires à l'encontre des manifestants pacifiques. Tout comme les Nations Unies, le Parlement européen propose position sur le projet de loi anticasseur en défendant la liberté de manifester et en condamnant l'adoption des lois qui restreignent la liberté de réunion dans plusieurs États membres ces dernières années. Voilà. Terminé. Donc voilà, on se fait taper sur les doigts, quoi, par l'ONU et le Parlement européen. On n'est pas les seuls à dire que cette loi est pourrie, hein. Bon, du coup, on va s'écouter encore un peu de musique et ensuite, on reviendra... On reviendra sur la manif non mixte féministe qui a eu lieu vendredi soir. Le présent est tragique, mais heureusement, je n'ai pas d'avenir. Les solutions magiques, je n'y ai jamais cru, elles ne me font plus rire. Être combatif, c'est tout simplement refuser la souffrance. Ils nous voudraient passifs et il faudrait toujours obéir en silence. Vient le moment où il faut choisir ce qu'il faut créer et ce qu'il faut détruire. Je ne renoncerai pas à ma part de violence. Et ce ne sera que légitime défense. Je ne renoncerai pas à ma part de violence. Celle sans laquelle l'espoir n'a aucune chance. Me demande à quoi bon crier des slogans pour que le monde change. Répubastination, il n'y a plus personne que ça dérange. Le présent que je crée se libère d'un passé que je veux déconstruire. Je n'ai rien d'autre à tuer que l'absurde routine qui exige de subir.